Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Donc on accueille Simon Fitzbay, voici sa chronique Phénomène. Bonjour Simon. Bonjour. Bon matin. Ça va bien, messieurs? Ça va. Très bien, toi? Oui. Merveilleux. Super. Oui, passez une belle semaine depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Oui, toujours. Cette semaine, tu nous parles des Rolling Stones et en fait, tu vas passer le mois complet à parler d'eux et comment est-ce qu'on pourrait nommer ce nom-là, ce mois-là, parce qu'on doit donner un nom à tout à Assemblage Rocky, vous savez. Je pense que c'est une maladie. Là. C'est obsessif compulsif, vous le savez très bien. Écoutez, c'est le mois de février, donc je m'étais dit le Fev Rolling Stone-nier. Oh, pas pire. C'est excellent. Ouais, il n'y a pas vraiment d'autres mots à faire. C'est dur avec les Rolling Stones. Ouais, c'est pas évident. Hein? Non, vraiment pas. Je vais y repenser. C'est sûr que tu vas penser à plein de trucs, Mathieu. Tu m'as fait de la chronique. Ouais. Je vais penser à ça tout le long. Je t'écouterai même pas. Non, je vais t'écouter. Et donc, voilà. Pourquoi ne pas commencer? Parce que c'est quand même assez charnu comme chronique aujourd'hui. Oui, Pierre, avec de la petite mousse autour de la pierre. Oui, avec beaucoup de mousse, exactement. Donc, on débute aujourd'hui avec The Rolling Stones, les rebelles. Messieurs, au mois de novembre dernier, donc, je vous ai présenté quatre épisodes la fabuleuse histoire des Beatles. Suite à cette belle expérience, je me suis demandé quel groupe pouvait être digne d'une série de chroniques du genre pour la session d'hiver. Pour également donc vous permettre d'avoir un autre épisode thématique avec juste moi dedans. Ah, donc, tu es en train de me prémonter une émission de 2 heures spéciale comprenant tes 4 chroniques. Est-ce que c'est ça que tu fais? Dans le genre. D'accord. C'est noté. Mais là, il y en a juste 3 pour les Rolling Stones. Il y en a 4. Il y en a 4? Oui. OK, parce qu'en février, il y a juste 3. Il y a 4 jeudis dans le mois de février. Ah, il y a 4 jeudis? Oui. Je pensais que tu avais dit mon truc. C'est une belle année. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de vendredi 13? Ça, on sera une autre fois. Oui, on va calculer ça tantôt. Donc, j'ai décidé de sélectionner le groupe qui, par son rock intense et son attitude rebelle, a tenu tête au Fab Four et qui va également, en 2011, célébrer son 50e anniversaire d'existence. C'est quand même pas rien. Donc, messieurs, cette série de chroniques portera sur le groupe le plus légendaire du monde de la musique, les Rolling Stones. L'histoire des Rolling Stones débute en 1950, dans les années 50, en fait, dans une école de Dartford, dans le comté de Kent, alors qu'un jeune Mick Jagger et qu'un jeune Keith Richards se rencontrent dans une classe donc du primaire. Les deux enfants deviennent rapidement amis jusqu'à ce que la famille de Richards déménage en 1954 dans ce qu'il décrit lui-même comme étant un putain d'HLM destructeur de personnalité à l'autre bout de la putain de ville. Wow! C'est Keith Richards et j'ai censuré quelques mots qu'il a utilisés dans le vrai. Oui. Et donc, il faut se projeter jusqu'au début de l'année 1961 pour que le duo soit à nouveau réuni par hasard dans une station de train de Dartford alors que Richards s'en allait au Sidcup Art College et Jagger à la London School of Economics. Donc, les deux s'étaient un peu séparés. Un qui était plus artistique et l'autre qui était vraiment, donc, il voulait travailler dans le milieu de l'argent. Et il découvre alors qu'ils ont une affection semblable pour le blues américain, qui était rare à l'époque puisqu'il fallait commander les disques par la poste. On avait très très peu de musique américaine en Angleterre, mais ces deux-là donc faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour avoir accès à des albums. Et découvre également qu'ils ont un ami en commun, Dick Taylor, qui est alors batteur au sein du groupe de Mick Jagger, Little Boy Blue and the Blue Boys. Donc, un beau petit nom. Et c'est un groupe auquel se joint Keith Richards après une répétition. Et le trio va finalement dissoudre le groupe alors qu'il rencontre Brian Jones, guitariste, lui, du groupe Blues Incorporated, au sein duquel jouent également Ian Stewart et Charlie Watts. Et ça, on va y revenir à ces deux-là dans quelques instants. Stewart et Jones vont rejoindre le trio pour former un groupe de R&B axé sur le Chicago Blues. Vraiment, donc, la musique blues style Chess Records, Chuck Berry, je dis Chuck Berry, mais lui, c'est même plus rock. Mais on parle donc de Darling Wolf, Muddy Waters et des groupes genre. Et en 1962, le groupe encore sans nom est alors formé par Jagger au chant, Richards et Jones à la guitare, Stewart au piano, Taylor à la basse et Tony Chapman à la batterie. Par contre, pendant cette même période, Jones essayait de placer des pubs dans le magazine Jazz News et il baptise le groupe sans même s'en rendre compte, pratiquement par hasard en fait, puisqu'il s'est fait demander comment se nomme votre groupe par le Jazz News pour la publicité. Et il a récupéré un disque de Muddy Waters qui était sur le plancher et il voit le titre d'une chanson qu'il aimait bien et il dit au journaliste « Rolling Stone ». Et c'est là que ça commence. Le groupe donne son premier concert devant public au club Marquee de Londres le 12 juillet 1962, date historique. Et quelques semaines après le concert, Dick Taylor, qui jouait la basse, décide de quitter le groupe pour retourner au Sidcup College, lui qui était là avec Keith Richards, alors que Keith Richards, lui, décide de quitter le collège pour se consacrer aux Rolling Stones. C'est vraiment là que les chemins se font. Et Taylor est alors remplacé par Bill Wyman, qui, lui, jouait dans quelques groupes anglais à l'époque, qui était un peu plus vieux que les autres membres de la formation, qui avaient tous à peu près donc 17-18 ans. Et pendant ce temps-là, Mick Avery, qui était remplaçant de Tony Chapman au tambour, quitte le groupe pour rejoindre les Kinks et est remplacé par Charlie Watts, anciennement des Blues Incorporated, le groupe de Brian Jones. Et en 1963, les Rolling Stones apparaissent pour une période de 8 mois en résidence, comme on dit, au club Crawdaddy, qui attire l'attention et leur présence, en fait, attire l'attention d'Andrew Loog Oldman, un ancien publiciste des Beatles qui voit une réponse rebelle envers justement ces 10 Beatles qui faisaient figure de bons petits garçons du rock. Il s'empresse de devenir l'agent du groupe et convainc celui-ci de mettre le gros Ian Stewart à la porte, car il jurait avec l'image du groupe, puisque bon, les Stones étaient tous très petits, très sveltes et très sexy pour l'époque. Et Stewart va quand même rester dans l'entourage du groupe, entre autres en tant que roadies, va travailler avec le groupe lorsque celui-ci est en tournée. Également, il va enregistrer tout ce qui est piano sur les albums des Stones jusqu'en 1985. Et grâce à Oldham, le groupe signe un contrat avec la maison de disques Decca, qui regrettait d'avoir rejeté les Beatles, et lance le single Come On, une reprise de Chuck Berry, qui s'est ici au numéro 21 des palmarès en juin de la même année. Everything was wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I came for to check it. I wish somebody come along and run it to the record. Come on, since me and my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to the record. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time the phone rings it sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on, always thinking about you. Come on, phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Baby, I really wanna see you and I don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I've gotta make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, come on, come on, come on. Bien sûr. Come on, des Rolling Stones, qui donc est leur premier simple enregistré chez Decca, le premier à atteindre le numéro 21 dans les palmarès britanniques. Leur première pièce, bref, à être lancée devant le grand public, c'était une reprise de Chuck Berry. Et bien sûr, c'est dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis. On parle aujourd'hui des Rolling Stones. Oui, c'est dans le mois de février complet sur les Rolling Stones, qui, en passant cette année, le mois de février n'est pas un mois bisex Stones. Oh! C'est ce que j'ai trouvé, c'est mauvais, mais c'est tout ce que c'est quand même pas pire. Ouais. Mais c'est pas fini. On a du temps encore. Lâche pas. Et Et donc, au début de l'année 1964, le groupe enregistre également une reprise de Buddy Holly, la pièce Not Fade Away, qui devient le premier hit de la formation aux États-Unis. Au même moment, le hit en Grande-Bretagne, de plus en plus nombreux, ont forgé une réputation de plus en plus grande pour le groupe, qui constitue l'opposition Beatles, une alternative rebelle et dangereuse. Et au fil des fils à maman, plutôt, qui représente le Fab Four. C'est-à-dire que vraiment, les Rolling Stones sont considérés comme des bad boys et les Beatles à l'époque étaient les gentils petits garçons à maman et tout le monde les aimait. Et donc, c'est en surfant sur cette popularité que le groupe lance son premier album éponyme en Angleterre et il embarque également en tournée aux États-Unis l'été suivant. On est en 1964. Le groupe atteint alors le succès et la popularité. Par contre, Oldham n'est pas satisfait puisque le groupe jusqu'alors bâtit son succès sur des reprises de blues et de rock américains. Les premiers albums du groupe est composé uniquement de reprises comparativement aux Beatles qui, dès leur premier album, avaient quelques composition originale. Et donc, l'impresario va forcer le groupe à composer des pièces originales, c'est-à-dire forcer le groupe, c'est-à-dire Keith Richards et Mick Jagger surtout, pour remplir les coffres de sa compagnie d'édition qui, bien sûr, avait les droits de toutes les chansons. Et le groupe lance donc Tell Me You're Coming Back, qui devient le premier hit des Stones dans le top 40 américain en juin 1964. Également The Last Time, un autre numéro 1 en Grande-Bretagne et un premier hit au top 10 aux États-Unis. Par contre, il faut attendre l'été 1965, littéralement un an après s'être lancé dans la composition de hits originaux, pour que le groupe atteigne le statut de superstar avec ceci. I'm I Can't Get No Satisfaction des Rolling Stones, qui est leur premier numéro 1 aux États-Unis et qui vraiment donc va propulser le groupe littéralement dans l'espace. Et dans l'espace. Oui, littéralement. Ça s'est mis à jouer incroyablement loin. Ouais, ouais. Et donc, c'était dans le cadre, bien sûr, de Phénomène. Toujours, on parle des Rolling Stones dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Oui, dans le mois de février ou le Fave Richards. Oh, c'est pas pire. Parce qu'il n'y a rien à faire avec Mick Jagger février, là. Ouais, mais ça se mélange. Fifth Jagger gay. Fifth Jagger gay. Ouais, c'est. Jaggermeister. Ouais, pas mal plus. Sour Puss. Sour Puss. Ouais, c'est ça. Et donc. Bon. Je suis Simon Fitzbé, en passant. Tout à fait vrai. Bonjour, Simon Fitzbé. Bonjour. Je devrais tout le temps dire ça, à toutes les cinq minutes. Je suis Simon Fitzbé. Oui, c'est ça. Entre deux phrases. Hein. Et donc, Satisfaction devient le premier numéro 1 du groupe aux États-Unis et confirme encore une fois le succès en Grande-Bretagne. The Rolling Stone est maintenant un groupe établi et qui lance hit après hit, tels que Get Off My Cloud, 1919, plutôt Nervous Breakdown, As Tears Goes By et Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow. Un long titre de pièce. Ouais. N'oublions pas également que le groupe a lancé aussi des albums, en plus des simples, entre 1964 et 1965. Par exemple, le groupe lance The Rolling Stones 12x5, The Rolling Stones No. 2, The Rolling Stones Now, Out of Your Heads et December's Children's and Everybody's. Et donc, des albums qui comportaient de plus en plus de pièces originales. On laissait de côté les reprises ou les covers, en bon français, tranquillement, pas vite. Et en 1966, le groupe lance Aftermath, le tout premier album comprenant uniquement des pièces originales. On y retrouve, entre autres, l'énorme succès Painted Black, en plus qu'un album à succès. La musique est fortement influencée par les goûts de plus en plus éclectiques de Brian Jones, qui donne une facette expérimentale à l'album. Entre autres, on retrouve des marimbas, des sitars et du dulcimer sur cet album. Du dulcimer, c'est comme une genre de sitar, mais plaqué, particulier. D'accord. Et donc, c'est digne de rivaliser avec l'album Revolver des Beatles, qui est sorti la même année. Et pendant l'année 1966, le groupe enchaîne tournée après tournée et lance aussi l'album Got Live If You Want It, donc un album enregistré en concert. L'année 1967, par contre, s'avère totalement rock and roll pour les Rolling Stones. D'abord, le groupe lance le simple Let's Spend the Night Together, qui est censuré au Ed Sullivan Show. En effet, Mick Jagger doit remplacer les paroles controversées par Let's Spend Some Time Together. Oh, ouais, passons du temps ensemble, lieu de... Passons la nuit ensemble. C'est ça. Et c'était pour éviter, en fait, d'être banni de l'émission et même de la télé américaine, ça aurait été fait. Il n'y avait pas le choix. Ouais, exactement, il n'y avait pas le choix. Choix que, admettons que les Doors n'ont pas fait, ils ont été bannis du Sullivan Show, ils n'ont jamais été représentés là-bas. Ouais. Mais au moins, tu sais, faisons quelque chose ensemble, de passons la nuit ensemble, tu peux faire des affaires le jour pareil. Oui, ouais, c'est vrai. C'est pas comme jouons aux échecs ensemble, mettons qu'ils auraient remplacé ça par ça. Exactement, exactement. C'est quand même rester subjectif. C'est ça. Et donc, de plus, l'album Between the Buttons, qui est également lancé en 1967, est un album hyper pop qui représente la fin de la collaboration de Oldham comme producteur des albums du groupe. Lui qui avait été déjà remplacé par Alan Klein, non familier. On a parlé souvent de lui. On en a parlé souvent de lui. Comme manager en 1965. Donc, Oldham, au début, était manager, producteur et était également chef publiciste du groupe. Tranquillement, pas vite, il a été un peu écarté par la formation. Et au mois de février de la même année, on parle toujours de 1967, Keith et Mick, plutôt, sont arrêtés pour possession de drogue dans la maison de Keith Richards. La fameuse épisode de la barre Mars qu'on avait couvert dans le cadre de Paul is Dead. Oui, ta chronique sur les mythes du rock, ça c'était l'insertion d'une barre de chocolat dans un orifice quelconque. Ouais, de Marianne Faithfull et de la drogue et du tapis. La balado est sur cfou.ca. Ouais, vous pouvez aller rattraper le tout. Et donc... Avec des gars, peut-être. Avec des gars, ouais, c'est peut-être mieux. Et donc, Brian Jones, ne voulant pas entacher une image rebelle de la formation, se fait également arrêter pour les mêmes charges, c'est-à-dire possession de drogue. Les trois vont avoir des peines de prison suspendues. Et ils décident donc, en 1967, de se retirer un petit peu de la scène pour laisser tomber un peu la poussière causée par ces problèmes de drogue-là de la formation. Et le groupe, donc, prend congé. Mick Jagger, entre autres, va passer quelques temps en Inde avec les Beatles auprès du Maharishi Mahesh Yogi, bien sûr, dans la période de méditation transcendantale des groupes. Et le groupe va également faire partie de la chorale improvisée pour la diffusion mondiale de All You Need Is Love des Beatles, qui avait été enregistrée pour la télé et été retransmise par satellite partout dans la planète. Et c'est également en 1967 que le groupe lance Their Satanic Majesty's Request, un album qui laisse les critiques et les fans mitigés. C'est la réponse, en fait, des Stones à Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Un album psychédélique, intéressant à entendre, mais qui n'est pas nécessairement dans leurs meilleurs albums. Et en 1968, marque le retour des Rolling Stones, ou plutôt du rock and roll au sein du groupe. Ils lancent d'abord la pièce Jumping Jack Flash, une pièce représentant un bond en avant dans l'empreinte sonore du groupe qui marque un nouveau virage dans la carrière de la formation. Et ils vont également lancer donc l'album Beggar's Banquet qui réconcilie le groupe avec le succès. L'album qui comporte la controversée pochette qui met en scène le mur d'une salle de bain est applaudi par les critiques et son son révolutionnaire ravit les foules. Par contre, au sein du groupe, rien ne va plus entre Brian Jones, qui est fréquemment mis de côté. Il ne se présente tout simplement plus aux répétitions, et les fois qu'il se présente, il est en piteux état. Sa dépendance aux drogues l'empêche littéralement de fonctionner. De plus, il développe également une amertume envers Jagger et Richards qui éclipsent les autres membres du groupe par leur prédominance à l'avant. C'est eux qui écrivent les pièces qui sont représentants de la formation également en entrevue. Donc lui, ça le tanne un peu. Et il décide donc de quitter le groupe le 9 juin 1969, blâmant un conflit d'intérêts artistiques. Et sa dernière performance avec le groupe a eu lieu au Rolling Stones Rock'n'Roll Circus, un concert psychédélique mis en scène par Mick Jagger, qui regroupait The Who, Jethro Tull, Taj Mahal, John Lennon, Eric Clapton et bien d'autres. C'est intéressant d'en parler de ce fameux concert-là, éventuellement. Vous pouvez le voir sur DVD même. Et moins d'un mois après avoir quitté le groupe, le 3 juillet 1969, Brian Jones est retrouvé mort dans sa piscine. Le coroner a conclu que sa mort était accidentelle. Il avait 27 ans. Let me please introduce myself. Stones avec Sympathy for the Devil. C'était une pièce, la première pièce qui se retrouvait sur l'album Beggar's Banquet, qui est paru en 1968, quelques mois avant la mort de Brian Jones. Dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis, dans le cadre de Mathieu Plante et François-Olivier Marchand, on parlait du cadre des Rolling Stones. Oui. Le début de leur carrière. C'est un très beau cadre. Oui. Ça fait du décor. Oui. Et soyez des nôtres la semaine prochaine pour Mick Taylor, les Hells Angels, le plus grand groupe du monde, l'exil et encore plus de drogue et finalement Ron Wood qui seront discutés par rapport aux Rolling Stones. Dans la prochaine édition de la chronique Phénomène, c'est jeudi prochain à 8h. Oui. Merci beaucoup, Simon. Merci Simon. Merci de m'avoir reçu. On va faire tes petites plugs tout de suite. Ouais, pourquoi pas. Vous pouvez retrouver Simon, évidemment, tous les jeudis dans le Simon Fait Day. Oui. Hein? Le matin, à Assemblage requis, c'est Phénomène. Le midi, au dîner de coin avec Danny Janvier. Oui. Le soir, à 21h, à la saveur du moment. Qu'est-ce qui se passe ce soir? On va voir, entre autres, la nouveauté des Fleet Foxes qui, qui lance un album. La date a été est tombée, c'est le 2 mai. Sortie du nouvel album des Fleet Foxes. Il y a déjà une pièce en ligne gratuite qu'on peut aller télécharger. On va aller entendre ça. Également, on va rendre hommage aux White Stripes qui ont décidé de prendre leur retraite hier. C'est terminé? Oui, c'est terminé. On va aussi avoir de la musique porno à vous faire écouter en fin d'épisode. Dans le genre.